بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Kaf, par le Coran glorieux. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ils s'étonnent pourtant que l'un des leurs soit venu vers eux en avertisseur. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Les mécréants disent alors, c'est une chose bien étrange. Une fois que nous serons morts et réduits en poussière, voilà un retour bien peu probable. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Nous savons certes ce que la terre dévorera de leurs dépouilles, et nous avons un livre où tout est conservé. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. Mais ils ont traité de mensonge la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Or, les voilà donc face à une affaire embarrassante. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. N'ont-ils donc pas vu le ciel au-dessus d'eux? Et comment nous l'avons édifié et orné en le faisant sans aucune faille? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Et la terre que nous avons étendue, où nous avons érigé des montagnes et avons fait pousser par couple des plantes de toute beauté. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Voilà qui est à méditer et à retenir par tout serviteur qui aime à se repentir. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie par laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain des moissons. والنخل باسقات لها طلع نضيد. Et les palmiers de belle venue au régime régulièrement disposé. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Comme subsistance pour les serviteurs d'Allah. Nous avons par l'eau fait revivre une terre morte. Telle sera la résurrection. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Le peuple de Noé, les gens d'Arras et les Thamoud avaient déjà, avant eux, crié au mensonge. وعاد وفرعون وإخوان لوط. De même que les Hades, Pharaon et les frères de Lot. Les gens de Alaïka aussi et le peuple de Tubba, tous osèrent démentir les messagers. Ainsi, ma menace put-elle se justifier? أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. La première création nous aurait-elle épuisé au point qu'ils doutent d'une création nouvelle? ولقد خلقنا الإنسان الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui susurre son âme. Nous sommes plus proches de lui que ne l'est sa veine jugulaire. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Deux anges chargés de recueillir ses œuvres les recueillent, assis l'un à gauche et l'autre à droite. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne profère aucune parole sans qu'un observateur prêt à l'enregistrer ne soit à ses côtés. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Les affres de la mort arrivent soudain, révélant la vérité. Voilà ce que tu voulais éviter. ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. Il sera alors soufflé dans le corps. Voici venu le jour de la menace. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Chaque âme viendra accompagné d'un guide et d'un témoin. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Tu étais distrait de tout cela, lui sera-t-il dit, et voilà que nous levons ton voile. Ta vue est aujourd'hui perçante. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. Son compagnon dira, « Voici ce qui m'a été confié. » Vous deux, dira Allah, jetez dans la géhenne tous mécréants obstinés et rebelles. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. Prompte à s'opposer au bien et à enfreindre les lois, et sceptique invétéré. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Qui associait à Allah une autre divinité. Précipitez-le donc dans le terrible supplice. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Seigneur, dira alors son autre compagnon. Je ne l'ai point poussé à la rébellion, lui-même était allé loin dans l'égarement. Ne vous disputez donc pas devant moi, répliquera Allah, alors que depuis longtemps, je vous avais prévenu par ma menace. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Ma parole ne change pas et je ne suis point injuste envers les serviteurs. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Le jour où nous dirons à la géhenne, es-tu déjà pleine? Elle répondra, pourrais-je avoir davantage? Le paradis, lui, sera là, rapproché, et se trouvera non loin des hommes pieux. Voilà donc ce qui vous a été promis, leur sera-t-il dit, mais aussi à tout être qui aime à se repentir et respecte nos prescriptions. Qui craint le Tout-Clément sans le voir et qui revient vers lui avec un cœur repentant. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Entrez-y en paix. Voici venu le jour de l'immortalité. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Ils y auront tout ce qu'ils désireront, et nous en avons beaucoup plus encore. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Que de générations avant eux n'avons-nous pas anéanti, qui étaient pourtant bien plus féroces et qui avaient parcouru le monde à la recherche d'une issue par où fuir. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a certes là un rappel pour quiconque a un cœur et s'est prêté l'oreille tout en étant témoin. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Nous avons créé les cieux, la terre et ce qu'il y a entre eux en six jours, sans que nous n'ait affecté la moindre lassitude. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Supporte donc avec patience ce qu'ils te disent. Rends gloire à ton Seigneur. Célèbre ses louanges avant le lever et le coucher du soleil. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Glorifie-le aussi durant une partie de la nuit et à la fin des prières. Prête une oreille attentive le jour où le héros de l'heure appellera d'un lieu tout proche. Le jour où ils entendront le cri, en toute vérité, sera le jour de la résurrection. C'est certes nous qui faisons vivre et faisons mourir, et c'est vers nous que sera le devenir. Le jour où la terre se sera fendue pour les expulser brusquement de leur tombe, il nous sera alors facile de les ramener en foule. Nous savons le mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas à les contraindre à la foi. Rappelle plutôt par le Coran quiconque craint ma menace.